Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, Perdre l'Europe, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a des élections européennes qui approchent, un sentiment de catastrophe et la peur de voir les extrêmes tout emporter de nouveau. Il y a des pays voisins, proches et lointains, et les livres qui nous lient. Et puis surtout, il y a l'histoire qui laisse des trous béants que l'on doit partager. Mais à l'origine, comme souvent, il y a un mythe. Alors pour commencer, les personnages. Un historien qui aime les gares, un auteur cosmopolite, une écrivaine qui aime revenir, une historienne qui pense aux pâtisseries, un Hongrois multilingue, un Tchèque au berceau bien rempli, l'historien d'un empire disparu, un auteur qui vient de mourir et un Hongrois qui persiste. Ensuite, le décor. Des trains, des passeports, Prague, Vienne, Bucarest, un court-métrage, une soupe populaire, la guerre froide, des pays disparus, des vies en périphérie, les livres de Joseph Roth, le multiculturalisme, la haine, le compost de l'Europe et une Mitteleuropa rêvée. Aujourd'hui, premier épisode, on commence par une stéréo. Allons-nous perdre l'Europe ? À Vienne, à Budapest, à Prague, à Varsovie ou à Berlin, c'est une sensation familière. Une angoisse diffuse. Ils sont poètes, cinéastes, écrivains. Ils ont connu la guerre, le rideau de fer et la chute du mur. Ils nous parlent de leur Europe, perdue et retrouvée. Mon image métaphorique de l'Europe, ce serait la gare. La gare ferroviaire, d'une part parce que je les fréquente beaucoup, j'aime beaucoup ces endroits-là, parce qu'il y a une poétique de la gare, du tableau d'affichage, de l'indicateur ferroviaire, des destinations, et de ces destinations qui, dans les gares françaises, s'adornent de plus en plus de destinations au-delà des frontières. Barcelone d'un côté, Munich, Cologne de l'autre. Il y a une poésie du territoire, et maintenant du territoire européen, qui se matérialise dans ces gares. Et ces gares sont également ces lieux où l'on est égaré, où l'on chemine dans tous sens, où l'on va vers un but, où l'on réfléchit, où l'on médite. Et je trouve que c'est une très très belle image de l'Europe. Des destinations, des réflexions, des passages et des rencontres. Voilà. Moi j'aime beaucoup beaucoup les gares et j'aime beaucoup l'Europe. Perdre l'Europe. Un mythe persistant. Par Christine Le Cerf et Franck Lilin. J'ai beaucoup voyagé dans le passé et je continue aujourd'hui à beaucoup voyager. Et je suis toujours très émue lorsque je reviens en Europe, lorsque j'atterris par exemple à Londres, à Francfort, et surtout lorsque j'arrive à la gare de Bucarest, en revenant d'Asie ou d'Amérique. Je suis émue à l'idée de savoir qu'il existe sur cet immense continent européen, cette petite péninsule d'Europe centrale, aussi singulière et aussi extraordinaire. Peu importe d'où je viens, chaque retour en Europe m'émeut toujours de la même façon. Pewien rodzaj niespieszności, pewien rodzaj tradycjonalizmu, kafejki na ulicach. À chaque fois, je reconnais tout ce qui caractérise cette partie de l'Europe. Une lenteur, un certain traditionalisme, une façon de passer le temps à boire des cafés et à fumer des cigarettes. Wyjątkowa niespieszność, która po prostu nie ma miejsca dla czegoś takiego. Cette exceptionnelle lenteur. On ne la retrouve nulle part ailleurs sur cette terre. Jeszcze bym chciała dodać, nie wiem, czy to się mieści w tym wywiadzie. J'aimerais ajouter quelque chose. Ale wydaje mi się, że środkowo-europejczycy qu'il existe une certaine asymétrie en Europe. To jest asymetryczność pewną, bo entre l'Est et l'Ouest. Qui, en Europe centrale, nous savons beaucoup plus de choses sur vous que vous n'en savez sur nous. Le Finistère que nous habitons, Finistère au sens large, hein, au sens de fin de la terre européenne que nous habitons, la France on va dire, hein, pour parler dans les termes du XXe siècle, ce Finistère stable, Johann Chapoutot, malgré l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, malgré les quelques modifications territoriales à la marge qu'il y a pu y avoir, hein, très, très faible, s'oppose très littéralement aux confins de l'Europe, à ces confins qui sont en mutation, en convulsion permanente. On est dans deux mondes totalement opposés et dont les sensibilités sont territoriales sont, et culturelles, donc, sont diamétralement opposées. À quoi ressemble le paysage de l'Europe centrale? C'est un paysage très varié. Il y a les plaines polonaises, Olga Tokarczuk, les montagnes slovaques, les forêts. Je ne saurais pas dire au fond ce qu'est le paysage de l'Europe centrale. Il est difficile de tracer des frontières nettes, car tout change, tout est en perpétuel mouvement. L'Europe centrale, pour moi, c'est l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Lituanie, les pays baltes, une partie de la Biélorussie ou de l'Ukraine, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, il y a l'Autriche aussi. Tous ces pays sont les vestiges de la monarchie habsbourgeoise et d'une partie de la Prusse. Reconnaître qu'on est en Europe centrale, c'est quelque chose d'assez subjectif, bizarrement. Bien sûr, il y a, on peut dire qu'il y a une architecture, etc., mais c'est tellement éclectique. Clara Royer. Pour moi, l'Europe centrale, elle me fait tout de suite penser à la friture, à la panure, au gâteau. C'est un peu comme dans un roman de Jules Accroudi. Ça mange beaucoup. Ça mange à toute heure de la journée. Il y a des petites brioches, ça s'appelle pagacz à Bratislava, ça s'appelle pogacza en Hongrie. Ce sont les pâtisseries. Alors, il y a la charlotka en polonais, c'est le rétèche en hongrois, ou le strudel en autrichien, etc. On peut aussi parler des crêpes, parce qu'il y a des crêpes comme ça partout dans la région. Il y a le pavot. Donc, bizarrement, l'Europe centrale, pour moi, le point commun, il est culinaire, en fait. Man darf eines nicht vergessen, aber das haben alle vergessen. Il y a une chose dont il faut se souvenir. Et on a souvent tendance à l'oublier. Bis 1914 gab es keine Pässe. Niemand in Europa hat einen Pass gehabt. Jusqu'en 1914, les passeports n'existaient pas. Robert Menasse. Das muss man sich daran erinnern. Personne n'avait de passeport en Europe. Gesagt, ne l'oublions pas. Stefan Zweig le disait bien. Jusqu'en 1914, on pouvait traverser toute l'Europe, aller de Coimbra au Portugal jusqu'à Riga en Lettonie sans passeport. Das hat man nicht gehabt. Europa war offen. On n'en avait pas besoin à l'époque. L'Europe était ouverte. Die Menschen waren polyglottes. In Galicien, et les gens étaient polyglottes. Selbstverständlich. En Galicie, le moindre ouvrier parlait au moins trois langues. Zumindest drei il parlait le Yiddish, il parlait le polonais et il parlait le russe. Das war notwendig, in diesem, c'était la condition sine qua non pour communiquer dans cette partie de l'Europe. Der Nachbarn gekannt. Partout, on connaissait la langue de son voisin. Notre perspective ouest européenne, de ce point de vue-là, nous trompe. Parce qu'on a l'impression d'une grande stabilité. Or, dès qu'on s'intéresse à des régions qui sont au-delà du Rhin, on va pas très loin, on va au-delà du Rhin, là on se retrouve face à un maelstrom en évolution permanente. Ce sont des territoires dynamiques, où les frontières bougent, où les populations s'échangent, où il y a eu, notamment au XXe siècle, et après la Première Guerre mondiale, et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, des échanges de populations qui se comptent en dizaines de millions de personnes. Donc il nous faut à nous, qui viennent d'un territoire de Finistère, hein, au sens littéral du terme, nous sommes à la Finisterrae de l'Europe, il nous faut un vrai effort d'imagination pour imaginer que ça bouge, et que ça bouge autant, non pas forcément très à l'est, mais même au centre de l'Europe. Ma grand-mère venait de Galicie. Mon grand-père venait d'Amsterdam. Enfin, pas lui, mais son père et son grand-père. Sein Vater oder Großvater kam aus Amsterdam. Von der jüdischen Gemeinde von Amsterdam. Ils appartenaient à la communauté juive d'Amsterdam. Getroffen haben sie sich in Mährisch-Ostrau, in der heutigen tschechischen. Mes deux grands-parents se sont rencontrés à Mährisch-Ostrau, aujourd'hui Ostrava, en République tchèque. Haben geheiratet. C'est là qu'ils se sont mariés. Meine Großmutter sprach ein wunderschönes. Ma grand-mère parlait d'ailleurs un magnifique allemand de Prague. Niedergelassen haben sie sich in. Puis ils se sont installés à Vienne. Mein Großvater war als Österreicher. Devenu autrichien à l'époque de cette Autriche multiculturelle et multiethnique de la monarchie des Habsbourg, mon grand-père a servi comme officier pendant la Première Guerre mondiale. Offizier im Ersten Weltkrieg. Et puis, les nationalistes sont arrivés et ont tout fait sauter. Mon grand-père, ce grand Européen, cet officier, ce héros dans cette ancienne Autriche multiculturelle, est devenu d'un seul coup un parasite, un juif, un ennemi, et une chose qu'il fallait anéantir. Les pays de l'Europe centrale ont partagé une même expérience. Ils ont tous vécu sous un système totalitaire. Ils ont tous cruellement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont aussi tous subi le traumatisme de la Shoah. Et depuis 1989, on leur a donné l'occasion de travailler à leur retour dans l'Europe. Przepracowania powrotu do Europy. Vision d'Europe était un court-métrage de Belattar il y a 15 ans, je crois, où il s'est demandé, il a eu le devoir de faire avec d'autres cinéastes quelques minutes sur l'Europe. Laszlo Nemes. Et lui, il a fait Prologue. Et son prologue à l'Europe hongroise, en tout cas la Hongrie dans l'Europe, c'est il a fait venir des centaines de sans-abri à Budapest. Il les a alignés et ils étaient en train d'attendre la soupe populaire pendant l'hiver. Et en fait, c'est un long plan séquence sur ces visages de sans-abri en attendant la soupe populaire. Quelque part, c'est une vision bien pessimiste, mais aussi relativement réaliste sur ce qu'est la Hongrie dans l'Europe. C'est-à-dire l'Europe, organiquement, au début du siècle, dans la première moitié du siècle, était un continent mélangé, tant de nationalités, de cultures, de religions, au sein de communautés très disparates et de grands pays comme l'Autriche-Hongrie, quelque part. Et cette expérience a été détruite par la Première, puis la Deuxième Guerre mondiale. C'est à se demander même s'il y a une Europe au fond. S'il y a une Europe, alors il y en a une. Mais dans le rapport au territoire, nous habitons vraiment deux mondes totalement différents. Comme si notre monde à nous, assez stable, n'avait pas d'histoire, le monde français, et comme si, au contraire, il y avait un surcroît, une surcharge d'histoire du côté de l'Est de l'Europe, parce qu'il y a des puissances actives, très ambitieuses dans cette région. Vous avez la Russie, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Autriche-Hongrie. Hein. Et par ailleurs, il y a une telle diversité culturelle et religieuse qui est absolument incompréhensible et inconnu en France. Les orthodoxes, les catholiques, les uniates, les juifs, et j'en passe. Hein. Tout cela contribue à un imaginaire territorial et à un imaginaire identitaire qui sont vraiment éloignés les uns des autres. Ce qui contribue peut-être au fait que aujourd'hui, on a du mal à dialoguer avec nos amis et voisins de l'ancien bloc de l'Est. Non seulement parce que nous avons eu des histoires séparées pendant presque 50 ans, pendant la guerre froide, mais aussi parce que sur le plus long terme, nous ne connaissons pas, nous, à l'Ouest, ces convulsions territoriales que nos amis et partenaires de l'Est ont connues. En fait, je suis tchèque, mais je suis aussi... Mon père était à moitié hongrois et à moitié polonais. Petr Kral. Je disais parfois, en plaisantant, que à moi tout seul, j'étais l'Europe centrale, parce que la Hongrie, la Pologne et la Bohême, c'est pas si mal que ça, n'est-ce pas? Et comme ma grand-mère, en plus, elle était tchèque, mais née en Autriche, elle a vécu son enfance à Linz. En plus, il y avait aussi un deuxième père pour elle, enfin un beau-père, un père d'adoption, qui était un juif. Donc il y avait vraiment tout, presque de tout dans mon berceau, quant à aux différentes ressources européennes, ou en tout cas centres européens. Et puis moi j'avais une fraternité naturelle, je dirais, bon ça semble un peu trop pathétique, mais ça me plaisait que... Je vivais dans un pays où il y avait les Tchèques et les Moraves et les Slovaques et les habitants de Prague et les habitants de Brno, sans parler de ceux de Pilsen, etc. On peut prolonger ça jusqu'à l'Autriche-Hongrie où Jaroslav Hašek, l'auteur du Brave Soldat Chevet, qui marchait beaucoup, même s'il était grand, mais il marchait quand même. Il allait de Prague à Galicie ou en Hongrie. Il était toujours dans le même empire. Il y avait quelque chose de très plaisant pour moi. Bon. L'Europe centrale, si on la prend dans sa version danubienne, c'est l'héritage de l'Empire austro-hongrois avec une partie autrichienne, la Cisleithanie, la Kakanie dont parle Musil, hein, et une partie hongroise, la Transleithanie, qui est un vaste territoire qui correspond aujourd'hui à plusieurs régions et plusieurs États. Parce que la Hongrie d'avant le traité de Trianon, c'est la Transylvanie, le Banat, la Voïvodine, la Ruthénie subcarpatique, qui aujourd'hui n'est plus appelée comme telle, on appelle ça la Transcarpathie. C'est aussi la Slovaquie, c'est la Croatie, et puis il y a même un bout d'Autriche. Dans ce royaume de Hongrie, en sus de la Hongrie actuelle. Du côté autrichien qu'on appelle historiquement la Cisleithanie, c'est un ensemble fédératif et dans son principe, dans son évolution, à tendance supranationale. Jacques Le Rider. De son héritage le plus ancien, la monarchie habsbourgeoise a conservé ce rejet profond, instinctif et à la fois mûrement réfléchi de la notion d'État-nation, du principe du nationalisme et des nationalités en quête de leur souveraineté. Pour la partie hongroise de cette monarchie, eh bien, la ville qui domine, c'est Budapest. Budapest qui est formée à partir de trois villes, Buda, Pest et Obuda en 1873. On a ouvert la première ligne de métro continentale en 1896, qui avait des très larges avenues, inspirées d'ailleurs du Paris haussmannien, avec des réalisations d'architectes français. La gare de l'Ouest de Budapest, c'est Gustave Eiffel, par exemple. Donc une capitale qui devient d'ailleurs capitale résidentielle à la fin du XIXe siècle et dans laquelle se construit aussi cette modernité européenne. Je rappelle que c'est un Hongrois qui invente le téléphone. Et à la fin du XIXe siècle, il y a déjà une ligne entre Budapest et Vienne. Sur ce point, les Habsbourg avaient réussi vraiment à construire un un réseau qui irriguait vraiment tout le territoire. Et une des réussites, aussi un des mythes de l'histoire des chemins de fer en Europe centrale, c'est la ligne Vienne-Tchernovitch qui permet en 24 heures d'affilée, mais sans changement, d'aller de la capitale viennoise jusqu'à la province la plus reculée, mais qui n'est pas une province des confins, qui n'est pas une province abandonnée. Je pense à Sabatka, Subotica, au nord de la Serbie actuelle, qui était dans la Voïvodine, à l'époque encore hongroise. C'est le cas de Temesvar, Timișoara, mais qui est une petite ville beaucoup plus de province. Hein. C'est aussi le cas de Kolozsvár, Cluj, en Transylvanie. Mais toutes ces petites villes sont marquées par une multiculturalité. Un des exemples les plus frappants de ce qu'on pourrait appeler le mythe habsbourgeois, c'est Joseph Roth. À la fois dans la marche de Radetzky et dans la crypte des Capucins, il est toujours question de ce modèle habsbourgeois qui a permis de faire vivre ensemble au même rythme, avec une sorte de sentiment d'appartenance commune, des territoires géographiquement très éloignés les uns des autres, des populations qui ne parlaient pas la même langue et qui ne se comprenaient pas, des confessions qui, à d'autres époques et dans le futur, se combattront et se détesteront. On voit ça très bien dans Joseph Roth qui ajoute: le centre de la monarchie, ce n'était pas Vienne. Le centre de la monarchie, sa base, son fondement, c'était la périphérie, où chaque capitale de province est une sorte de petite Vienne en miniature. Tchernovitch, à l'époque de la prospérité de l'Empire habsbourgeois, c'est une capitale régionale de Bucovine. Un exemple parfait de l'intégration d'une multitude de peuples, de langues et de confessions. Un groupe de population juive, un groupe de population roumaine, des Allemands bien sûr, des Allemands d'Autriche, quelques Tchèques, des Polonais. Bref, Tchernovitch était une ville vraiment qu'on pourrait prendre comme paradigme de cette capacité de l'Europe centrale habsbourgeoise à être le creuset des nationalités et des identités culturelles. Allez, je me lance. Je m'appelle Edgar Ilsenrath. Et je suis né le 2 avril 1926 à Leipzig. J'ai très peu de souvenirs de mes trois premières années. Mon père était fourreur à Leipzig. Il tenait une boutique juive traditionnelle. Mes grands-parents étaient très religieux, des juifs orthodoxes, tandis que mes parents ne l'étaient absolument pas. Ils étaient très modernes. On ne mangeait pas cachère à la maison, même si on respectait les fêtes. Le jour de Yom Kippour, mon père allait à la synagogue. À Pessah, on faisait un petit repas. Et je crois même que ma mère allumait les bougies le soir de Shabbat. Mes grands-parents maternels vivaient en Bucovine, une région de Roumanie. La Bukovine avait appartenu pendant 150 ans à l'Autriche, jusqu'à ce qu'elle soit annexée par la Roumanie en 1918, après la Première Guerre mondiale. La région avait beau appartenir à la Roumanie, les gens continuaient à parler en allemand. Les Bukoviniens boycottaient la langue roumaine. Mes grands-parents habitaient dans une petite ville qui s'appelait Siret. Aujourd'hui, elle s'appelle Siret en roumain. Siret, c'était l'appellation autrichienne. Siret war der österreichische Ausdruck. Und dort fuhren wir 1938 hin. Nous sommes arrivés en Bukovine en 1938 par une très chaude journée de juillet. Nous portions nos manteaux de fourrure. Nous avions enfilé tout ce que nous pouvions. Après avoir pris un peu d'argent et tous nos bijoux, nous avions réussi à passer la frontière. Mon grand-père était venu nous chercher à la gare en voiture à cheval. On se déplaçait encore comme ça là-bas. Tous les gens nous saluaient sur notre passage. Je me souviens d'être passé devant une maison où un vieux juif priait sur un balcon. Le vieux juif nous a salués et nous a bénis. Puis, nous sommes arrivés à sa maison. Mon grand-père vivait sur les hauteurs. Notre maison était perchée sur une montagne. Mon grand-père était éleveur de bétail. Il possédait beaucoup d'étables avec des chevaux, des vaches, des chèvres et des moutons. Mon frère et moi, nous jouions dans la cour avec les animaux. Mon grand-père nous avait acheté un poney. On le montait tous les deux. Je me sentais très bien là-bas, à Siret. C'était l'un des plus beaux moments de ma jeunesse. Tous les gens parlaient allemand à Siret, même si c'était un allemand des Balkans. L'allemand était la langue préférée des Bukoviniens. Et c'était surtout les Juifs qui en prenaient soin. C'était vraiment une belle époque pour moi. On parlait allemand dans le Shtetl. Und Yiddish. Et Yiddish. Deutsch und Jiddisch. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Allemand et Jiddisch. Je me sentais bien. C'était la vieille Autriche. Ein frühes Österreich. On parlait allemand. Deutsch und Rumänisch und Jiddisch. Roumain. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt in der Stadt. Et Yiddish. Die Bukowina war eine sehr schöne Erinnerung für mich. Je me sentais très bien dans le Shtetl. J'ai un souvenir très heureux de la Bukowine. Alte Österreich. C'était la vieille Autriche. Die Stadt lag selbst im Tal. La ville était nichée dans une vallée. Le fleuve s'appelait Siret. Der hieß auch Siret. Comme la ville. Et je m'y baignais souvent. La Bukovine, c'était mon Heimat. C'était l'Europe, une sorte de Heimat. Aujourd'hui, elle a disparu, cette Bukovine. cette monarchie austro-hongroise qui s'est construite en plusieurs étapes, 1806 puis 1867 essentiellement, et qui a été dépeinte et vilipendée par tous les nationalistes d'Europe comme étant la prison des peuples. C'était le terme qui était usité à l'époque pour désigner cette dictature, cette tyrannie atroce d'un vieillard chenu et grottant qui était François-Joseph et qui opprimait le centre de l'Europe. Mais cette prison des peuples, dont on a moqué le caractère obsolète avec ce vieillard à sa tête, avec son goût de formole, d'un vieux monde qui n'en finissait plus d'agoniser, cet homme malade au centre de l'Europe, eh bien, on l'a regretté amèrement au moment de sa dissolution. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand est à peine réduit. Je crois qu'il y a eu... Ils ont perdu à peu près 10 à 15% seulement de la superficie. Étienne François. Donc on peut dire que d'un certain point de vue, l'Allemagne s'en est plutôt bien sortie géographiquement. Elle a perdu ses colonies. Ça, c'est une autre chose. En revanche, l'Empire austro-hongrois comme l'Empire russe ont été démembrés. Et du coup, après une Europe dans laquelle il y avait des grosses structures impériales, dans lesquelles il y avait une des diversités, mais aussi des rencontres multiples, on se trouve dans une Europe beaucoup plus morcelée, avec des nouveaux États qui tous se réclament du modèle de l'État national et qui imaginent que la forme la meilleure serait que les frontières soient très nettes et qu'à l'intérieur des frontières, tout le monde parle la même langue et finalement se reconnaissent dans la même identité. Il faut néanmoins que ces États respectent les minorités. Et il y a beaucoup de minorités. En Pologne, un tiers des habitants de la Pologne ne sont pas des Polonais au sens technique du terme. En Tchécoslovaquie, c'est pareil en Bulgarie, c'est pareil en Roumanie. Bref, un peu partout, il y a des minorités. Et c'est le défi de l'Europe centrale. Dans un premier temps, les États-nations successeurs de l'Autriche-Hongrie n'auront pas du tout le sentiment d'avoir perdu quoi que ce soit. Ce sera au contraire un sentiment d'avoir enfin réalisé le rêve de la conquête d'un État-nation souverain. C'est lorsque le déchaînement des nationalismes dans cette région du centre de l'Europe aura causé ses méfaits, c'est lorsque ces États créés par les traités de paix de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, etc., se verront coincés entre la menace soviétique et les différents régimes autoritaires, les dictatures militaires, les fascismes d'Europe centrale, qu'ils prendront conscience du fait que ce monde d'hier dont parlait Stefan Zweig était aussi un monde de paix et d'intégration harmonieuse de la diversité. Et c'est ça qui est incroyable. C'est un phénomène très largement répandu. Alors d'abord chez les écrivains de langue allemande, je pense à Stefan Zweig qui chante Le Monde d'hier, je pense à Robert Musil, je pense également à Josef Roth avec La Marche de Radetzky. Ces écrivains qui étaient les premiers à critiquer le vieil empire égrottant austro-hongrois et qui ensuite, une fois sa disparition actée, une fois la pulvérisation advenu de l'ancien empire austro-hongrois en une multitude d'états-nations qui ne s'entendaient pas les uns avec les autres et qui commençaient déjà, dès les années 20, à menacer, se faire la guerre les uns contre les autres, eh bien ces gens-là se sont pris à regretter amèrement le temps où du Tyrol jusqu'à la Galicie, de Vienne jusqu'aux Balkans, ont trouvé les mêmes couleurs jaunes et noires de l'empire et le même portrait du vieil empereur François-Joseph dans les bâtiments publics et dans les gares. Donc ça aussi, ce sont des leçons de l'histoire que l'on peut méditer, je pense. Jamais le mot mythe n'a été plus adéquat que lorsqu'on parle de cette Europe centrale habsbourgeoise. Oui, c'est un mythe, parce que c'est un mythe entraînant qui donne un modèle qui dessine rétrospectivement l'utopie qui aurait pu se réaliser vers cet ensemble pluraliste et multiculturel. Donc, oui, c'est l'Europe telle qu'on peut la rêver si on rêve d'une Europe capable d'intégrer harmonieusement sa diversité, mais c'est aussi l'Europe qu'il faudrait éviter à tout prix de reproduire, c'est-à-dire l'Europe arène sanglante des nationalités, l'Europe poussant la haine de l'autre jusqu'à l'antisémitisme et à l'antislavisme. Et donc, cette Europe centrale habsbourgeoise a laissé dans notre histoire européenne une trace extrêmement ambivalente. Elle est à la fois un élément utopique et en même temps un repoussoir. István Bibaud, qui est ce penseur hongrois dont on peut lire en français « Misère des petits états d'Europe de l'Est », parle de ce morcellement des états centre-européens et des hystéries et des peurs qui finalement ont nourri les choix que beaucoup de ces états vont faire pendant l'entre-deux-guerres. Autoritarisme, voire dictature, alliance progressive avec l'Allemagne nazie, ça c'est dans le cas de la Hongrie ou de la Roumanie, et de la Slovaquie également, crispation nationaliste. En 1930, sous l'impulsion de fascistes tchèques, on a assisté à 4 nuits d'émeutes au plein centre de Prague, sur la place Václav, que tout le monde fréquente aujourd'hui dès qu'on va à Prague. Il y a eu 4 nuits d'émeutes contre les cinémas qui projetaient des films allemands, qui étaient de gentilles opérettes viennoises tout à fait inoffensives, mais... Ça a donné cours à énormément de violence. On s'en est aussi pris à des boutiques juives parce qu'on estimait que les juifs de Prague, majoritairement germanophones, étaient des traîtres potentiels. Donc voilà, donc il y a eu énormément de violence aussi dans l'entre-deux-guerres, même dans le pays le plus démocratique qu'était la Tchécoslovaquie. So. Und wer heute noch sagt... Et dire encore aujourd'hui... Ja, aber die Nation, das ist meine Identität. Der sagt... Mon identité, c'est la nation. Die Ausgrenzung anderer. C'est vouloir exclure les autres. Die Vernichtung anderer. Die Herstellung einer... C'est une idéologie basée sur la destruction des autres. Die andere nicht als sur la création d'un « nous » qui veut se différencier des autres, mit anderen Worten, qui n'accepte pas les autres comme des égaux. En un mot, c'est une identité basée sur une idéologie meurtrière. Dans l'ancien royaume de Hongrie, vous aviez une très forte communauté hassidique dans le Maramureș. Maramureș, Sziget, comme on dit en hongrois, Maramureș en roumain. Vous aviez un pôle, une citadelle de l'orthodoxie qui était à Presbourg-Pogogne, hein, la ville qu'on connaît comme Bratislava aujourd'hui. Un pôle de la réforme à Budapest. Et contrairement à l'Autriche, où finalement les Juifs étaient majoritairement centrés à Vienne et en Galicie, hein, à Hongrie, vous aviez des communautés juives partout. Dans tous les petits bourgs, voilà, il n'y avait pas un centre particulier, même si beaucoup de juifs habitaient à Budapest, hein, mais vous aviez des communautés juives partout dans le pays, en réalité. Il y a eu un tel impact de ces juifs dans la vie centre-européenne. Il n'y a pas d'histoire du développement moderne de ces pays d'Europe centrale sans la communauté juive. Ce qui est certain, c'est que il y a une Europe centrale juive, et tout simplement parce que La seule nationalité qui n'est pas reconnue comme telle par les Habsbourg, parce qu'elle n'a pas de langue nationale, le yiddish n'étant pas reconnu comme une langue nationale, l'hébreu étant une langue du culte, les juifs sont considérés comme des Allemands quand ils parlent allemand, comme des Polonais quand ils parlent polonais, et comme des Tchèques quand ils parlent tchèque. Au moment des recensements, par exemple, les parents de Franz Kafka sont recensés comme des Tchèques, et tandis que Franz Kafka lui-même, resté fidèle à la langue allemande, déclare la langue allemande langue d'usage et est donc recensé comme allemand. Donc, les juifs de Cisleithanie habsbourgeoise sont naturellement portés vers un sentiment de supranationalité. Ce démantèlement de l'Europe centrale habsbourgeoise et aussi de la Mitteleuropa allemande va cloisonner les juifs dans leurs états-nations respectifs, et plus les pays iront dans le sens de l'exaspération de leur nationalisme et vers des régimes autoritaires, plus la situation des Juifs deviendra difficile. Si vous relisez des romans grandioses comme ceux de Singer, Chocha par exemple, vous voyez que tout le roman est fait de cette discussion incessante des Juifs de Pologne. Faut-il rester ou partir? Il y a ceux qui partent, puis il y a ceux qui veulent rester, qui ont toutes leurs habitudes, toutes leurs affections, tous leurs amours aussi en Pologne et qui ne veulent pas partir. Et ceux-là vont être affreusement piégés par l'histoire. Mein Vater stammt aus Rumänien. Mon père est né en Roumanie. Und, il venait d'un tout petit village moldave. Aus einem ganz kleinen Dörfchen in Moldawien. Er hat immer gesagt, et il disait toujours, c'est le marché qui fait le village. Dann war das ein Dorf, sonst war das nichts. S'il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Doron Rabinovici. Hatte das Glück. Mon père a eu de la chance. Auch dort die Pogrome zu überstehen. Il a survécu au pogrom. Und dann ein Ticket zu bekommen. Il a pu se procurer un billet de bateau pour la Palestine. Nach Palestina. Und so fuhr er von Rumänien mit einem Schiff. Il a quitté la Roumanie genau en passant route par la Turquie pour rejoindre l'Asie. In die Türkei, nach Asien, die heutzutage viele in die umgekehrte Richtung. Un périple nehmen. Que font aujourd'hui d'autres migrants en sens inverse. Mein Vater wusste, les gens Menschen adoraient mon père zu begeistern, parce qu'il savait leur parler. Indem er sie alle angesprochen hat und mit allen geredet hat. Il savait s'adresser und à eux. Er hatte diese Sprachen alle nicht wirklich gelernt. Alors qu'il n'avait appris aucune langue. Hebräisch, er konnte wirklich gut Rumänisch. Il faut dire qu'il parlait très bien l'hébreu et surtout le roumain. Aber dieses Rumänisch ist ja so eine merkwürdige Sprache, die zwischen dem Slawischen einerseits und dem Romanischen. Cette langue très étrange, à mi-chemin entre les langues slaves et les langues romanes. Und so erlebte ich es immer wieder. Je voyais les gens regarder mon père avec des yeux écarquillés quand il leur parlait. Wissen, woher kommt der eigentlich und was für eine Sprache spricht er? Aber es verstanden haben sie ihn ja doch. Ils étaient incapables de savoir d'où il venait ni la langue qu'il parlait, et pourtant ils le comprenaient. Und er hat sie auch verstanden. Et mon père aussi les comprenait. Weil er mit ihnen geredet hat. C'était quelqu'un qui savait créer des liens avec tout le monde. Weil er so ein Mensch war, der sich mit allen verbinden konnte. Sprache war für ihn etwas, was immer eine Kommunikationsmöglichkeit war. Und ja, wir lebten in verschiedenen Klangwelten. La langue était pour lui une possibilité de communiquer à l'intérieur d'un monde polyglotte qui bruissait de multiples sonorités. Also meine Mutter ist in Paris geboren und ist die einzige. Ma mère, elle, est née à Paris. Elle est pourtant la seule dans notre famille à ne pas comprendre le français. Denn Sie sprach es höchstwahrscheinlich als ganz kleines Kind. Elle devait sûrement le parler quand elle était toute petite. Meine Großeltern mütterlicherseits. Car mes grands-parents maternels sont venus en France. Weil in Polen damals es einen eigenen Numerus Clausus gab. À cause du Numerus Clausus imposé aux Juifs dans les universités de Pologne. Das machten sie auch. Ils voulaient faire des études de médecine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Und dann wurde meine Urgroßmutter so krank, et puis mon arrière-grand-mère est tombée gravement malade. Dass sie zurückfuhren nach Vilna, eine sehr Mes grands-parents ont alors décidé de rentrer à Vilnius. Damals in den 30er Jahren dorthin zurückzukehren. Ce qui était vraiment une très mauvaise idée à l'époque. Bald, kam der Einmarsch der Wehrmacht. On était dans les années 30. Et peu de temps après, il y a eu l'invasion de la Wehrmacht. Mein Großvater war einer der ersten. Mon grand-père a été l'un des premiers à être raflé dans la rue. Verschleppt worden sind und gleich beim ersten Il a fait partie du premier convoi vers la forêt de Ponard où il a été assassiné. Ponard ermordet wurden. Und meine Mutter musste Ma mère a appris l'allemand dans le ghetto et dans les camps. Deutsch lernen, es wurde ihr eingebläut im wahrsten Sinne des Wortes im Ghetto und in den Lagern. On le lui a inculqué à coup de trique. Au sens propre du terme. Und sie überlebte als eine der ganz wenigen Kinder aus Vilna, jüdischen Kinder aus Vilna. Elle fait partie des rares enfants juifs de Vilnius qui ont survécu au ghetto, au camp de concentration et aux marches de la mort. Sie überlebte gemeinsam mit meiner Großmutter. Elle a survécu avec sa mère, ma grand-mère maternelle. Das ist die mütterliche Seite. Sie gingen nach Après la guerre, dem Krieg, au début des années 50, elles sont parties ensemble en Israël, weil der Antisémitismus parce que l'antisémitisme en Pologne n'était pas du tout une affaire réglée. Une fois arrivée en Israël, und ma mère a vite appris l'hébreu. Elle le parlait très bien d'ailleurs. Geboren wurde ich in diesem neuen Hebräisch. Je suis né dans ce nouvel hébreu. Das ist, wenn man so will, das, was man früher Muttersprache genannt hätte. Aber was ist meine Muttersprache? Auparavant, on aurait pu parler de langue maternelle. Mais quelle est ma langue maternelle? Die ersten beiden Sprachen meiner Mutter waren Jiddisch und Polnisch. Les deux langues principales de ma mère étaient le Jiddisch et le Polonais. Die zweite ihrer Sprachen kann ich nicht. Je ne parle pas le Polonais. Jiddisch singe ich ein paar Lieder und habe du Jiddisch, que j'ai un peu étudié, kann ich gar je nicht. Ne connais que quelques chansons. Le roumain m'est totalement étranger. Und meine Adoptivsprache, et la langue que je maîtrise, c'est l'allemand, une langue adoptive. Ich glaube, dass dieses Europa, das es damals gegeben hat, pour moi, cette Europe d'avant a été détruite. Das ist eben zerstört worden. Und man kann sagen, dieses Europa, das wir jetzt gerade erleben, ist viel begrenzter. Et l'Europe d'aujourd'hui est bien plus limitée que celle d'hier. De manière assez surprenante, on ne sait pas où sont les frontières de l'Europe. On a du mal à les définir. Par contre, on sait quand on se trouve en Europe. L'Europe n'a pas forcément de limites et de frontières, mais elle a un visage. D'où ce phénomène de nostalgie, effectivement, de la monarchie austro-hongroise. On ne savait pas très bien, elle non plus, où elle avait ses limites, cette monarchie-là. Mais on savait qu'elle avait un visage, qui était le visage de l'Europe. Et c'est quelque chose qui, là, peut nous servir, je pense, immédiatement de leçon. Hein. On vilipende l'Union, on vilipende la communauté, on se moque de ses difficultés, on la prend pour acquise et pour périssable, on la considère comme étant quelque chose dont on pourrait se débarrasser aisément pour être plus libre et plus heureux. Or, quand cela disparaît, on le regrette amèrement. Est-ce que l'Europe centrale est un laboratoire? Laboratoire de quoi? C'est aussi peut-être un lieu de décomposition ou comment ça s'appelle dans le jardin, là où on met le compost. C'est peut-être le compost d'Europe aussi, parce que il y a beaucoup de pourriture ici depuis toujours, mais qui féconde la terre et qui fait naître des choses. Mais c'est les contradictions même de l'Europe centrale, à mon avis, qui attirent l'attention sur elle. Et dans ce sens-là, oui, c'est peut-être une sorte de laboratoire. Bon, j'hésiterais un peu à le dire, peut-être tout simplement par prudence d'historien. Miklos Konrad. Ça semble être une bonne idée, Et on peut naturellement faire des rapprochements. On peut se souvenir que oui, la Première Guerre mondiale a éclaté ici, où on peut constater, ce qui est un fait, qu'il y a ici un mélange d'ethnies, de langues, de religions, sans pareil en Europe. Ça a été certainement le cas, par exemple, de la Hongrie, qui, je parle de la Hongrie historique, donc d'avant son démembrement par le traité de Trianon. La Hongrie historique était le pays religieusement et éthiquement le plus divers de toute l'Europe. C'est entre parenthèses pour ça qu'un historien ou quelqu'un d'un tant soit peu cultivé est mort de rire, au sens cruel du mot, quand il entend Orbán dire « Non, la Hongrie n'a jamais été cosmopolite. » Ah bon ? C'est l'absurdité même. Donc oui, on peut penser que ce qui se passe ici est un laboratoire, que nous sommes un laboratoire de l'Europe. J'espère que ça n'est pas le cas. J'espère très fortement que cette fois-ci, ça ne va pas s'avérer être une idée juste. C'est pour cela que, vu de l'étranger, je pense à l'Asie ou je pense aux États-Unis d'Amérique, l'Europe, telle que nous la connaissons, sous la forme d'une communauté organisée, d'une communauté européenne, apparaît soit comme une aberration, quelque chose qui n'existe pas, un fantasme, une chimère, soit comme un miracle. Un miracle qu'on ait réussi à faire union et à faire communauté avec des passés aussi diffractés, aussi séparés et aussi désunis. Parce que sur un territoire qui est assez restreint finalement, qui est le bout de l'Eurasie, qui est lui-même un Finistère, l'Europe telle que nous la concevons, c'est vraiment le bout, le confin de l'Eurasie, le confin occidental de l'Eurasie. Vous avez une telle diversité linguistique, religieuse, culturelle et politique que c'est de l'ordre du miracle et du merveilleux que l'on ait réussi à dialoguer et à faire union. Pour résumer l'Europe que je peux imaginer ou que j'aimerais vivre, ou que je vis même encore par moments, parce que ça existe, mais ce ne sont plus que les éclairs. Il n'y a plus de continuité, ce sont des fragments où on retrouve ce qu'on aimerait vivre en continuité. Voilà. Il n'en faut pas beaucoup pour moi, il me suffit une terrasse de café, mais une terrasse sans musique, pas envahie de touristes. C'est une petite table, elle peut être privée, elle peut faire partie d'un petit restaurant local où une vieille dame fait encore la cuisine. Il fait beau, mais on parle de la possibilité qu'il pleuve. Ça fait aussi partie, c'est une façon d'ailleurs européenne de goûter la journée, la belle journée, de se soucier si elle va durer, si ça va durer jusqu'au soir. Ça suffirait. Et je vois une plante grimpante qui couvre le bas d'un mur devant lequel je suis assis, et j'ai l'impression de la voir pousser parce que le temps est ralenti. Voilà. Perdre l'Europe, avec Edgar Ilsenrath, Olga Tokarczuk, Robert Menas, Doron Rabinovici, écrivain, Clara Royer, Johan Chapoutot, Étienne François, Miklos Konrad, Jacques Le Rider, historien, Laszlo Nemes, cinéaste, et Petr Kral, poète. Voix: Claude Aufort, Patrice Bornand, Laurent Lederer et Andrea Schiffer. Traduction: Lou Elio, Agnieszka Zgieb. Documentation: Maria Contreras. Mixage: Alain Joubert. Une émission de Christine Le Cerf, réalisée par Franck Lilin. À demain, perdre l'Europe, un champ de ruines.